Libre de tout. Je m'éloigne des ombres du passé, les chaînes brisées, je suis libéré. Chaque pas me mène vers la clarté. Un nouveau jour, une nouvelle vérité. Je m'envole loin des souvenirs, vers un avenir sans soupir. Le temps gagné, je respire. Libre de tout, je m'inspire. Les miroirs du passé se brisent, les reflets ternes s'évanouissent. Dans le vent, mes peurs s'enlisent, un horizon nouveau se dessine. Je m'envole et loin des souvenirs, vers un avenir sans soupir. Le temps gagné, je respire, libre de tout, je m'inspire. Les échos du passé s'effacent, les murs du temps se taisent. Dans la lumière, je me prélasse, un nouveau monde, une nouvelle phase. M'envole, loin des souvenirs, vers un avenir sans soupir. Le temps gagné, je respire, libre de tout, ha, je m'inspire. Les chaînes du passé se rompent, les fantômes du temps s'estompent. Dans le présent, je me plonge, un nouveau rêve et un nouveau songe. Je m'envole et loin des souvenirs, vers un avenir sans soupir. Le temps gagné, je respire, libre de tout, je m'inspire. Les chaînes du passé se brisent, les souvenirs ternes s'évanouissent. Dans le vent, mes peurs s'enlisent, à l'horizon nouveau, se dessine. Je m'envole. Loin des souvenirs, vers un avenir sans soupir. Le temps gagné, je respire, libre de tout, je m'inspire. Les échos du passé s'effacent, les murmures du temps se taisent. Dans la lumière, je me prélasse, un nouveau monde, une nouvelle phase. Je m'envole loin des souvenirs, vers un avenir sans soupir. Le temps gagné, je respire, libre de tout. Ah putain, je m'inspire. Libre de tout, je m'inspire.